La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, des arts visuels, de musique ou de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans des nouvelles et des poèmes, ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SODEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Plus de détails sur sodep.qc.ca. Ce soir, à l'aérospatiale, Julien Boilly et Manifan Diaye exposent à l'œil de poisson, un happening nocturne au MNBAQ et une rencontre avec le peintre et cinéaste Martin Bureau. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. C'est Audrey Caro cette semaine au micro de cette édition du 20 mars. Et oui, ça fait du bien de voir ce beau soleil de fin de journée rayonner dans le studio de CKRL 89.1. Et vraiment, je suis très heureuse d'être parmi vous. Aujourd'hui, on a une très chouette émission avec vous, tout en exposition, mais aussi en événement également. On va commencer cette émission avec Suzy Dufour, notre chroniqueuse, bien sûr, qui est allée voir pour nous les expositions à l'œil de poisson qui se terminent cette semaine. C'est le travail de Julien Boilly et de Manifan Diaye qui est présentement à l'œil, donc autant dans la grande galerie que la petite galerie. Donc on va découvrir à la fois ce travail en peinture et en installation avec Suzy dans quelques instants. Mais aussi, on va recevoir un collaborateur spécial aujourd'hui, Philippe Després, qui est performeur et qui va venir nous parler d'un happening nocturne au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ce sont les nuits du MNBAQ, donc les nuits de cet événement où on découvre le musée sous un nouveau jour. C'est ouvert au grand public, c'est très festif, hein? C'est de 22h à 3h du matin, donc on va en parler plus longuement avec cette figure incontournable maintenant de ces nuits-là, parce que Philippe, oui, est un personnage très flamboyant lors de ces soirées-là, donc on va découvrir ça avec lui en première moitié d'émission. Et sinon, on va aussi parler en deuxième partie avec le peintre et cinéaste Martin Bureau qui expose actuellement les cycles d'essorage à la Galerie 3, bien sûr sur la rue Saint-Vallier. Et ce sera le moment, bien sûr, de parler de cette nouvelle exposition-là, mais j'ai envie aussi qu'on fasse le tour un petit peu de ses projets des derniers mois et des projets à venir aussi, parce que Martin, c'est ça, il est autant impliqué dans la peinture, mais aussi dans le documentaire, donc on va découvrir ça, mais aussi il fait des pochettes de disques. Enfin, on va en parler plus longuement ensemble en deuxième partie d'émission. Ben voilà, avant de s'en aller à la pause audio, j'aimerais quand même prendre quelques temps pour vous signaler qu'on est en pré-radioton, hein, parce que le radioton de CKRL, le traditionnel radioton, a lieu les 6, 7 et 8 avril prochains. Mais, chers auditeurs, si vous êtes généreux avant le radioton, vous pourriez gagner, à vrai dire, des chèques cadeaux. Donc, pour le pré-radioton, c'est 200$ de chèques cadeaux à la fois au projet, le pub Saint-Sacrement, le bar Le Sacrilège, Bol et Poké, donc tous $50 chacun. Et aussi, pour ceux qui sont membres en règle et qui font un don avant le Radiothon, donc c'est $150 du pédalier qui est à gagner. Donc, vous avez jusqu'au 6 avril 17h, avant 17h, parce que le tirage est le 6 avril à 17h. Donc, pour faire votre don, soyez généreux parce que c'est CKRL 89.1, c'est la radio communautaire à Québec. Voilà, on vous laisse là-dessus sur une petite pause audio sélectionnée par Simon Roy toujours cette semaine, et il sort un peu de ses habitudes pour nous présenter un album split de style art rock. C'est fait par, à vrai dire, un groupe de Québec et de Moncton, donc La Fête et Laps. Donc, pas de Moncton, de Fredericton, pardon. Alors, on va découvrir donc cette volonté d'unir la musique francophone et anglophone chez ces deux groupes-là ici. On va écouter un premier extrait qui est là, qui s'intitule « Digère le vide ». Alors, Suzy Dufour, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Tu es allée voir pour nous ces expositions qui ont cours à l'œil de poisson. Je te laisse peut-être nous présenter l'exposition de Julien Boily qui est dans la Grande Galerie. Oui, donc l'exposition qui s'appelle « Quelques motifs de synthèse » et qui présente beaucoup de dualité, moi j'ai trouvé. C'était comme un thème qui revenait à mon sens. Donc c'est de la peinture au sens plus classique du terme, c'est-à-dire une peinture qui est très naturaliste, où on sent la virtuosité du peintre derrière. Même dans l'hyper-réalisme avec Julien. Hein? Vraiment, vraiment. On se demande, après ma barre, dès qu'on entre dans la galerie, si c'est de la photographie ou si c'est de la peinture. On s'approche, on se rend bien compte que c'est de la peinture avec toutes ces couches appliquées de manière méticuleuse. Mais le sujet de ces tableaux ne sont pas du tout classiques, mais plutôt ancrés dans l'actuel, dans la réalité même virtuelle, en quelque sorte, parce que il va allier l'infographie 3D. Moi, j'ignorais ce que c'était, mais c'est en fait de la modélisation, comme on s'en est parlé précédemment. Mais c'est ça, on est plus habitué avec la modélisation par logiciel ordinateur pour faire, par exemple, des films d'animation, des jeux vidéo, etc. Ben, lui va faire ses images préalablement par infographie 3D pour ensuite les recréer de manière illusionniste à la peinture. Donc, on est devant des formes qui sont abstraites, qui semblent flotter dans un espace qu'on ignore ce que c'est. C'est parce que finalement, ça réfère au monde virtuel aussi, cette idée de flottement qu'on retrouve les objets là, dans l'espace, comme ça. Exact. Il y a à la fois des sphères, hein, des cônes. Il y a des espèces d'éclatements, comme des pierres, on dirait. Oui. Mmh. Donc aussi, cette dualité-là qu'on peut retrouver dans le sujet et dans le médium employé se retrouve aussi dans les textes texture, justement, comme tu le dis, Audrey, il va s'amuser à peindre des surfaces très réfléchissantes où on a l'impression qu'on voit le reflet de quelque chose d'autre à l'intérieur de ces cônes ou de ces sphères, etc. Puis d'un autre côté, on a on dirait que ces pièces-là entrent en contact les unes avec les autres, même s'ils sont pas en mouvement, même si parfois ils se touchent pas, mais avec des formes qui sont plus éclatées, qui semblent rugueuses, qui semblent issues de la sphère géologique. En tout cas, il y a comme ce mélange-là. Puis aussi dans les couleurs, Julien Boilly va allier des teintes plus sombres avec des teintes plus claires, du rouge avec du noir, blanc, noir, gris. Donc, il y a comme ces espèces de contrastes-là qui sont très esthétiques, en fait. Mm-hmm. J'étais assez impressionnée par le côté méditatif qu'on peut retrouver devant ces œuvres-là, mm-hmm. par cette beauté-là, cette sensualité du côté illusionniste de ces sphères qu'on a envie de regarder, d'essayer de voir ce qu'il reflète, qu'on peut y voir. Donc, assez intéressant. On a l'impression donc qu'il fait un clin d'œil au passé par le médium des maîtres anciens. On peut penser à la Renaissance, le côté très naturaliste de ces œuvres-là. Les natures mortes aussi, la peinture flamande. Oui. Beaucoup, je trouve. Moi, ça m'évoquait ça. Absolument. Ces natures mortes où tout avait de l'air très réaliste, là, où on avait envie de prendre cette pomme ou ce raisin qui était là, amalgamé au travers d'autres objets, là, puis tellement il y avait de l'air réaliste, on avait le goût de juste d'en prendre un dans la toile. Exact. Là, c'est la même chose. On a envie de toucher à ces formes-là qui ne sont pas issues du réel, contrairement à la nature morte. Donc, il allie avec ce côté passé-là, le présent, qui est, bon, le côté infographique, virtuel. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a donné l'impression un peu futuriste de ces scènes-là en même temps. Je trouve que comme un espèce de passage dans le temps là, qu'on se fait là, quand on regarde ces œuvres-là. J'avais l'impression d'assister à un futur Big Bang ou à des atomes ou je sais pas, il y a quelque chose de oui, c'est ça, comme si on était devant une scène fantastique, futuriste. Oui, je comprends très bien, surtout ce grand paysage là qui est au fond aussi là. Oui, exact. Je comprends très bien, mais je sais pas si tu le savais, moi j'ai eu l'opportunité de jaser avec l'artiste lors du vernissage de l'exposition et dans le fond ces formes là qu'on voit à la fois ce qu'on appelle le paysage là, qui est au fond, le grand tableau sur fond noir là, et aussi les autres formes à côté des sphères, c'est en fait des choses qui n'existent pas, c'est créé par des algorithmes dans le fond, un algorithme tout simplement qu'il rentre dans l'ordinateur et ça crée cette forme-là, finalement, ce n'est même pas une vraie forme en soi. Wow. C'est créé de manière informatique. Donc, il y a ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Puis ton côté avec justement un futur virtuel ou un futur inquiétant, mais il y a quand même de ça, je trouve, aussi dans ça. Puis dans le rendu, l'esthétique très hyper réaliste aussi, ça accentue cet effet-là, je trouve. Ouais, vraiment. Beaucoup. Très intéressant. Un travail plus peut-être pas expérimental, mais presque, parce que quand on l'avait vu cet automne à la Galerie 3, il était venu présenter, on était davantage dans un propos plus social sur l'obsolescence programmée, ces choses-là. La machinerie, tu sais, avec quelque chose de l'objet que l'on ne retrouve plus nécessairement. C'est un objet, plus, comme tu le souviens, plus abstrait dans tout le fond, des objets, une sphère, un cône, mais tu sais, qui est très lié aussi au monde virtuel en même temps, hein, parce que quand on pense, tu parlais d'animation, quand on pense la base des dessins animés, ben ils commencent par des petits bonhommes, tu sais, avec des formes géométriques là, des cônes, des choses comme ça. Donc il y a ça aussi. Dans un vide là, tu sais, le vide n'est pas encore créé, donc il y a l'univers tout ça, est pas là. Là, on se retrouve un peu à cette étape-là, on dirait presque dans la peinture de Julien. Puis c'est vraiment trompeur aussi, comme tu le disais. Il faut s'approcher pour voir finalement que c'est de la peinture. Ouais. C'est là quand on s'approche, on voit toute la matière, le travail ingénieux d'ombre, de lumière. Vraiment, puis j'ai aimé qu'il mette, je ne sais pas s'il en a mis plus qu'un, là, mais je me souviens d'un dessin qu'il a accroché dans cette expo. Puis j'aimais ça voir le travail du dessin, tu sais, du peintre, très classique, encore une fois, là, les étapes là, qui mènent finalement à ces œuvres-là qui nous semblent comment dire, parfaite. Oui. Donc, tu sais, par le rendu, puis tout ça. Donc, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé. Super. Et du côté de la petite galerie, c'est une artiste, une jeune artiste française qui présente son travail sous le titre... Sous le titre de Rose Piscine. Et ça porte assez bien son nom, cette expo, parce que, bon, dans la petite galerie, pour y entrer, a été mis une comment on appelle ça? Un rideau de bambou. Exactement. Puis quand on y entre, le son que fait le rideau de bambou rappelle un peu l'eau ou en tout cas la sphère piscine peut-être. Mm-hmm. Puis à l'intérieur, bon, les murs ont été peints d'un rose saumon. Puis à l'intérieur des œuvres, parce qu'en fait, à l'intérieur de la petite galerie, il y a une projection vidéo au mur, au sol. Puis sinon, c'est des photographies. Puis à l'intérieur de ces œuvres-là se retrouve beaucoup le rose également. Donc on est dans une sphère peut-être plus intimiste, peut-être plus féminin aussi. Puis tout ce que l'on y voit, ben je peux peut-être commencer avec les projections. C'est un coucher de soleil sur, ben ça ressemble en tout cas parce que mm-hmm. c'est flouté, doit-on mm-hmm. dire, mais ça évoque un coucher de soleil sur l'eau avec les couleurs roses qui s'y retrouvent, une projection au sol où on voit le mouvement de l'eau. Donc il y a quelque chose d'un peu naturel, mais naturel qui nous ramène peut-être un peu à une solitude parce qu'on n'entend que la nature, tout ça. Puis quand on regarde les photographies, ben cette solitude-là se ressent, je trouve. On mm-hmm. est devant des scènes banales de la vie quotidienne, comme des citrons mis dans un sac dans un coffre de voiture, un stationnement. De maison, on voit une voiture au loin. Donc, des scènes très, très, très banales, mais qui nous ramènent peut-être un peu à notre propre expérience de la vie, du quotidien et tout ça. Puis, on voit le portrait d'une jeune femme qui se retrouve sur un lit, qui regarde le spectateur, qui est recouverte d'une robe de chambre rose, encore une fois, et qui semble, par son attitude, aussi empreinte de solitude, de nostalgie, ou en tout cas, on baigne dans ces eaux-là. Puis, c'est comme si on n'avait pas toutes les pistes de lecture pour comprendre un peu les scènes qui se déroulent, comme des citrons dans un coffre de voiture. Oui. Mais on a l'impression qu'on est capable de se projeter. Puis c'est en se retournant, en ressortant de la galerie, qu'on voit sur le dessus du cadre de porte, en quelque sorte, oui, de la galerie. Il faut lever les yeux. C'est pas à notre hauteur de regard. Bien, qu'on voit un couple s'enlacer, comme... La photographie est plutôt haute. On n'arrive pas à identifier ces personnes-là. On se rend compte que cette solitude-là, cette nostalgie, ça peut être relié peut-être à une fin de relation, laquelle, la nôtre peut-être en tant que visiteur, que spectateur, parce qu'on peut toujours s'identifier à ce couple-là anonyme. C'est ça. Finalement, il y a, même si on n'a pas toutes les clés de lecture, comme tu disais, reste qu'il y a une histoire. On peut se faire sa propre histoire. Absolument, finalement avec tout ça. Donc, dépendamment de notre expérience, de notre vécu, chaque visiteur va le vivre un peu différemment. C'est aussi. C'est ça, ouais. Puis l'ambiance de la petite galerie permet ça, je trouve aussi. On fait une visite généralement tout seul, dans une petite pénombre, avec ces couleurs roses-là, le son, le bruit de l'eau. Donc, la recette est là, finalement, pour qu'on se fasse notre histoire, notre narration de ce que l'artiste a présenté. Donc, un petit moment intimiste à vivre de ce côté-là, du côté de la petite galerie à l'eau de poisson. Tout à fait. Donc, on le rappelle, c'est Manifa Ndiaye qui présente Rose Piscine, ainsi que Julien Boily, quelques motifs de synthèse. Et il faut faire vite, par exemple, Suzy. Oui, c'est jusqu'au 25 mars. Donc, dépêchez-vous d'aller voir ça. Donc, ce dimanche. Ce dimanche, effectivement, ça passe si vite. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été voir ça pour nous. C'est un plaisir. Alors, nous, on s'en va toujours écouter La Fête, donc avec cette fois-ci Marine Malice. Yeah. Et voilà, on est de retour à l'aérospatiale et on avait envie de vous parler de cet événement spécial qui a lieu, un happening nocturne, donc au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Depuis l'ouverture du nouveau pavillon, à vrai dire, on a envie d'utiliser ce bâtiment-là, cette architecture-là d'une manière différente. Et trois fois par année, le musée donc a décidé d'organiser les nuits du MNBAQ, donc qui sont des soirée très festive, ouverte au grand public et qui nous amène à découvrir le pavillon Pierre Lassonde sous un nouveau jour, de manière différente. Donc, la nuit, c'est de 22h à 3h et cette semaine, donc ce samedi 24 mars, c'est le temps d'une autre nuit du musée, donc, qui a lieu et c'est sous le thème monochrome, hein, parce que chacune de ces soirées-là a un thème en particulier. Et même, on vous invite à vous habiller de manière aussi, de vous déguiser. Hein. Il y en a eu une sur la mascarade et sur d'autres thèmes comme ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, on peut exploiter notre potentiel créatif au cours de ces soirées-là. Mais qu'est-ce que c'est en soi, les nuits? C'est en fait des soirées qui sont signées le Théâtre Rude Ingénierie, donc où se mêlent musique, art visuel, art culinaire, et art brassicole. Donc, à l'intérieur du pavillon, il y a quatre scènes musicales, donc où on va découvrir des artistes de différents domaines, donc à la fois de la musique électronique, on va avoir des chanteurs aussi, mais également on va avoir toutes sortes de folk et tout. Hein. Et voilà, donc, j'ai mon invité qui se joint à moi justement pour en parler dans quelques instants ici. Donc, quatre scènes musicales qui sont distribuées un petit peu partout dans l'espace du pavillon La Sonde. Et c'est vraiment super intéressant parce que on découvre aussi, il y a des choses à manger, il y a des chefs qui sont là qui nous font déguster des petits trucs aussi. Et on peut goûter des nouvelles bières également. Donc, on a différentes ambiances, on découvre à la fois des artistes musicaux, des découvertes culinaires et tout ça sous le plus grand plaisir et amusement. Donc, j'ai Philippe Després qui se joint à moi en ce moment. Bonsoir, Philippe. Salut, Audrey. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que toi, tu es un habitué, tu es performeur aussi, et tu fais quand même, je pense, des présences performatives assez colorées au cours de ces événements-là. Oui, vraiment. J'aime incarner un peu la couleur et l'anticonformisme dans une ville qui est très, très riche en culture, mais assez conservatrice. Fait que j'aime amener mon petit côté déjanté, artiste engagé dans un lieu qui est vraiment à investir, justement. Oui, exactement. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'ambiance de ces soirées-là, ou du moins un peu ces soirées? Je te laisse vous en parler un petit peu plus. Ben, en fait, c'est des soirées qui sont vraiment festives, puis ça arrive à chaque saison. Les soirées au musée depuis l'ouverture du pavillon Pierre Lassonde, depuis 2016. Et à chaque saison, on a le droit des soirées vraiment colorées et très glamour. Mm-hmm. Alors, le monde se met sur leur 31 pour venir se rencontrer, puis aussi c'est des gens de différents milieux. Oui, c'est ça. C'est ça qui est vraiment plaisant, c'est que à Québec, on a beaucoup de petits milieux fermés en danse, en musique, en art performance, entre autres. Mm-hmm. En théâtre. Et c'est le fun de voir justement tous les gens réunis ensemble qui veulent se rencontrer, qui veulent vivre des belles expériences. Et on a des groupes aussi, des groupes locaux, des artistes locaux qui sont là pour performer. Fait que c'est toujours plaisant à voir et ça met une belle chimie. Oui, puis il n'y a pas juste du monde aussi du milieu des arts, mais il y a vraiment des gens de tout, là. Donc, finalement, c'est un moment pour s'exprimer de manière très créative et colorée, qu'on soit comptable ou acteur au théâtre, là aussi. Oui, effectivement. Oui. Et pour toi, ces soirées-là, qu'est-ce que ça peut engendrer aussi en matière d'ouverture par rapport au musée, selon toi, par rapport à cette rencontre-là qu'on fait là? Est-ce qu'on fait des découvertes particulières? Mais je pense que oui, parce que c'est avec la nouvelle architecture, premièrement, c'est vraiment stimulant. Mm-hmm. Et ça amène, on voit différentes facettes, justement, avec le dance floor et les artistes de Montréal, de Québec qui sont là. Et je pense qu'est-ce qui est riche de ces soirées-là, c'est qu'ils font un choix précis d'artistes. Mm-hmm. Alors, comme cette fois-ci, on a le droit à Anatole, oui. Le jeune bébé, bébé androgyne Hubert Lenoir, oui. qui vient de lancer son album d'Arlène, et que j'ai été voir d'ailleurs au Dagobert. Oui, d'accord. Et je dois dire que c'est stimulant et c'est excitant d'aller voir ces soirées-là, car justement, les artistes ont été choisis précisément et sont tous très colorés, c'est très excitant de voir leur présence à venir au musée, oui. Surtout à la soirée monochrome. Oui, ben c'est ça. Puis en plus, on va avoir aussi un Gab Paquette qui va être là dans le passage. Oui, c'est ça qui va nous jouer sa carte de l'amour, encore une fois. Son petit côté Michel Louvain actuel d'aujourd'hui, donc qui va être là. On a Bad Dylan aussi, oui. DJ Sixtopaz qui est là depuis le début, qui est là pour fermer le bal à la toute fin. Donc c'est quatre scènes qui sont disposés dans des lieux pas toujours aussi... on n'est pas dans les salles d'exposition. Ça, c'est important de le dire parce oui. que ça serait trop dangereux sur le plan de la sécurité pour les œuvres, mais ça nous fait découvrir des lieux peut-être moins atypiques du musée, des lieux qu'on ne penserait pas habiter aussi. Oui. Mmh? Exactement, dans le sens qu'il y a aussi... Il y a différents espaces qui ont été aménagés pour la soirée monochrome, justement. Il y a dans le grand hall... dans l'espace ouest et surtout dans le salon des jardins, mm-hmm. le passage Riopel, oui, qu'on peut ça. Voir. Dans le passage Riopel, on peut voir les œuvres, mais là, on va voir la scène où il va y avoir Gab Paquette, entre autres, dans l'espace oui. rouge. Alors, ça amène une certaine adrénaline d'aller dans les lieux qui ne sont pas dédiés à ça au départ. Au spectacle. Là, ouais. Et, ouais. C'est le fun de voir les artistes aussi, peut-être. J'imagine qu'ils doivent investir d'une manière, peut-être pas juste physique, mais avec créer une ambiance aussi particulière avec ce lieu-là. En tout cas, j'ai en tête Gab Paquette. Je me dis, il va oui. probablement nous sortir un petit as là, de sa manche, là, puis nous séduire avec ce. Justement, en lien avec cette œuvre de Riopel aussi, je pense que ça va être très intéressant de découvrir. Oui. Et voilà, donc c'est une autre aussi manière de découvrir ce magnifique pavillon-là, parce qu'on le voit d'habitude de jour, mais de soir aussi. C'est intéressant parce que c'est très vitré, on monte dans l'escalier, là, autant on voit d'habitude les gens dehors, mais là, on devient aussi cette espèce de sujet qui est vu. Mm-hmm. On fait partie. Ouais, ouais. On fait partie du décor et c'est le moment. Pour le printemps, l'arrivée du printemps, pour sortir la couleur de notre garde-robe et aller festoyer ensemble dans un lieu qui est vraiment exceptionnel. Oui, alors, on le rappelle, monochrome, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on est habillé d'une seule couleur, de la tête aux pieds. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Philippe, je vous invite à aller... prendre la brochure des activités du musée, c'est lui qui est là, magnifique, pour présenter, à représenter en photo, donc pour présenter cet événement-là dans la brochure. Alors, vous allez voir le côté très flamboyant et créatif des gens qui se réunissent lors de cette soirée-là. On le rappelle, ce samedi de 24 mars de 22h à 3h, on peut acheter nos billets à l'avance, oui. au coût de... 17 $ en prévente et 20 $ sur place. Parfait. Donc, on peut l'acheter aussi via le site web si on ne veut pas faire la file. C'est toujours aussi, mieux hein? parce qu'on veut pas faire, on veut pas attendre dehors. Il fait quand même froid encore. Oui, exactement. Bon, ben Philippe, je te remercie beaucoup. Et en tout cas, ça va valoir le déplacement d'aller voir qu'est-ce que tu nous concoctes. Oui, comme... je serai là avec mes paillettes et mes couleurs et ma drive. Oh, yes. Bon, on a très hâte de voir ça. Merci beaucoup, à Philippe, samedi. D'avoir été avec nous. Alors, nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient avec Martin Bureau. Le Radiothon de CKRL, c'est les 6, 7 et 8 avril prochains. L'objectif est de 42 000 $. Contribuez à la mise en œuvre des activités de votre radio communautaire en achetant la carte de membre pour 25 $ seulement. En devenant membre avant le 6 avril, vous pourriez gagner un certificat cadeau de 150 $ à la boutique Le Pédalier. Devenez membre aujourd'hui! Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201. Ou encore, passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. OK, c'est beau, je vais tout t'expliquer. Depuis le début. Mais après ça, allez-vous me laisser partir? J'aimerais ça m'en aller. Je comprends pas pourquoi vous êtes toutes à panique. J'ai rien fait, ça n'a pas rapport que je sois ici. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je peux-tu sortir fumer une top deux minutes? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas rester là sans rien faire. À perdre mon temps? Tout le monde passe son temps. À perdre son temps. Moi, je suis pas comme tout le monde. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose de grand. Faut que je me rende utile. Faut que je me protège. Embrigadé, une création du collectif Les Pentures, dans une mise en scène de Pascal Renaud-Hébert, du 13 au 31 mars au théâtre Premier Acte. Réservation premieracte.ca. Alors, on est de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Ben, vous venez tout juste d'entendre mon prochain invité, Martin Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler, bien sûr, de cette exposition qui a cours à la Galerie 3, donc qui s'appelle « Les cycles d'essorage ». Hein, Martin, il faut dire quand même que tu es un habitué ici de l'aérospatiale depuis ses débuts, hein, quand même. Avant même l'aérospatiale. Ben oui. Alors, on aime toujours ça, jaser avec toi. Mais là, j'avais envie, oui, qu'on parle de cette nouvelle production, mais aussi qu'on aborde d'autres sujets également, des projets en cours, des projets qui ont eu cours et d'autres qui s'en viennent. Donc, voilà, on va en profiter pour faire un petit survol de ce qui se passe pour toi en ce moment. Alors, c'est Les cycles d'essorage, une nouvelle série de peintures sur la question de l'Anthropocène. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'Anthropocène? L'Anthropocène, c'est un terme qui vient de la géologie, qui parle de notre ère, de notre nouvelle ère géologique qui est en cours actuellement, récemment, qui a été statuée par le Congrès international des géologues, disant qu'on est passé de l'ère de glace à l'ère de l'Anthropocène. Ça veut dire que l'humain, désormais, a une force géologique majeure sur le cours des écosystèmes. Donc, l'impact de la trace de l'homme est permanente sur les écosystèmes. Oui. Et c'est ce qui t'intéresse aussi parce que tu jumelles ces questionnements-là, justement, sur la trace qu'on laisse, que ce soit quoi, par les gaz à effet de serre, les traces aussi des déchets, tout ce qu'on produit finalement, en quelque sorte, qui va laisser une trace indélébile, mais tu jumelles ça quand même à quelque chose d'assez inusité, des manèges dans cette nouvelle série-là. Ben oui, le travail des géologues en parlant de l'Anthropocène, c'est de la définir et de nous la faire comprendre. Moi, en tant qu'artiste en art visuel, c'est de prendre cette notion-là, ce concept-là, et puis de l'éclater, de le mettre en scène. Mm-hmm. Et puis ce que j'ai pensé, c'est qu'on est... Parce que d'un point de vue des écosystèmes qui sont malmenés, les changements climatiques, c'est pas des données nouvelles ou des notions nouvelles pour personne. D'accord, l'Anthropocène, du point de vue de la géologie, c'est, donc il statue pour des milliers d'années l'ère géologique, donc l'ère sédimentaire dans laquelle on est. Donc c'est super impressionnant pour moi, parce que c'est pas comme si on parlait d'un écosystème malmené comme, par exemple, je sais pas moi, la crue des eaux, qui est un phénomène assez récent dans l'ère moderne, etc. Et puis moi, donc, ce que j'ai pensé, c'est qu'on est tous conscients de ces changements climatiques-là, de ces phénomènes-là, mais on continue quand même de s'amuser. Donc, je suis parti d'une formule assez simple. Moi, le premier, je dirais que je m'amuse tout autant. Bien sûr, on a une conscience écologique, puis on essaie de s'améliorer dans tout ça, de faire en sorte qu'on puisse éventuellement renverser la situation. Ce qui, on verra qu'est-ce qui arrivera, ce ne sera pas de notre vivant qu'on va le savoir. Mais donc, c'est pour ça que j'ai mis en scène des manèges, donc une espèce de symbole d'amusement qui sont agglutinés à des écosystèmes malmenés, des océans furies ou des montagnes rocheuses une glissade d'eau qui est prise dans un iceberg. On sait pas trop si c'est une vision du futur qui aurait comme des traces, il y aurait eu une nouvelle ère de glace, puis il y aurait des espèces de traces d'un passage humain, comme si on découvrait une carcasse d'avion des dizaines ou voire des centaines d'années plus tard échouée dans une montagne. Donc j'ai joué un peu avec tout cet imaginaire-là. Justement, ton commentaire vient d'éveiller quelque chose aussi qu'on remarque, c'est que selon les tableaux, on est à différents moments. Hein. Autant on a l'impression d'être à différents moments parce qu'il y a des tableaux où il y a des gens dans les manèges et d'autres tableaux où il n'y a personne dans les manèges. Donc, comme si on était au moment où la menace est imminente, en tout cas, du moins, on s'amuse très, très fort. Je pense à ce tableau qui est tout au fond là, de la galerie où les gens, bon, sont vraiment inconscients ou du moins font fi de cette menace-là, autant de ce raz-de-marée, là, cette mer très agitée avec les vautours qui tournent tout autour, mais autant dans un autre, on va être comme post-humain, comme si c'était les restes, comme tu viens de le dire aussi. C'est intéressant, c'est différents temps qu'on retrouve aussi selon le tableau. Hein. Oui, parce que, comme on disait, l'Anthropocène, c'est une ère géologique qui est définie maintenant, qui était très compliquée à statuer parce qu'il fallait être certain que si on le statue, on est pris avec. Il fallait être certain de notre affaire parce qu'une fois statué, on est pris avec pour des milliers d'années. Donc, cet imaginaire-là visuel que ce qui se déploie suite à ces prémices-là théoriques permet de penser à, justement à une situation post-humaine. Et aussi, j'étais entendu dire que tu disais que l'Anthropocène aussi engageait vers une esthétique du sublime, hein, ce espèce de côté grandiose de la nature aussi, là, qu'on pense aux peintres du 19e siècle, là, avec Friedrich notamment. Là. Pourquoi exactement? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études scientifiques sur la question de l'Anthropocène, mais il y a aussi un certain doute puis un certain débat encore en cours malgré le fait qu'on a statué le fait que cette époque-là était la nôtre. L'esthétique de l'Anthropocène, finalement, c'est une esthétique qui fait appel à des paysages tourmentés, comme l'idée des écosystèmes qui sont malmenés. Et puis, ça, dans l'imaginaire de la peinture, c'est une esthétique du sublime qui veut dire, dans le fond, que la nature est plus grande que nous. C'est un peu cette idée-là que nous, face à la nature, on est tout petit. Et puis, c'est encore une espèce de romantisme et catastrophique qui revient en surface, finalement. Ah, très intéressant. Et aussi, tu traites ces œuvres-là à l'acrylique et à l'aquarelle. Et il y a même aussi une aquarelle, là, à 100% juste aquarelle, que moi, j'ai énormément adoré dans cette exposition-là. Je pense que c'est la première que tu réalises. Tu t'es commis, là, véritablement, avec cette œuvre-là à 100% aquarelle. Là. 100% aquarelle, oui, c'est la première dans ma production personnelle, là, effectivement. Je me suis commis l'an passé de manière 100% aquarelliste, 100% aquarelliste avec la pochette de Tire le Coyote, qui est vraiment ma toute première aquarelle de ma vie, finalement. Mais je me suis lancé avec ça dans ma production personnelle, mais il y avait des choses que je réglais jamais avec l'aquarelle seule, et puis j'ai eu l'idée de la fixer et puis de continuer à l'acrylique pour ajouter des couches que je pouvais pas réaliser à l'aquarelle même. Mais tranquillement, j'apprends à maîtriser le métier de plus en plus maintenant avec quelques tableaux derrière la crade. Bon, c'est sûr que j'ai le métier de peintre à l'huile dans mes premières années. Finalement, je suis passé plus vers l'acrylique. Après ça, là, je suis en train de migrer vers l'aquarelle. Bon, il y a des acquis qui se transmutent d'un médium à l'autre. Mm-hmm, mm-hmm. Mais à chaque fois, quand même, il y a des nouvelles spécificités propres à chaque médium. Et puis l'acrylique a ce site spécifique, l'aquarelle, c'est-à-dire ce site spécifique qu'il n'y a aucune possibilité de repentir. On peut vraiment se cacher derrière aucun artifice. Ce que jusqu'ici je faisais toujours là. S'il m'arrivait de rater une portion de tableau, je m'inventais un nouveau problème pour la cacher, cette portion-là, puis vivre avec. Puis c'est pas négatif de dire ça, parce que c'est toujours très stimulant de vivre avec les problèmes générés par son incapacité à arriver au résultat qu'on avait en tête initialement. C'est une conversation dans le fond, hein. On pose un geste, puis la peinture, c'est pas tout à fait ça qu'on voulait, mais parfois ça nous amène ailleurs de manière... c'est meilleur que qu'est-ce qu'on pensait, puis parfois, bon, c'est pas ce qu'on voulait, mais là, il faut trouver des solutions pour récupérer. Oui. Puis l'aquarelle, on est tout nu. Eh oui. C'est ça. On se commet, puis voilà, il n'y a pas de retour. Puis ce que j'aime beaucoup, par exemple, de cette œuvre, de cette œuvre-là, juste à l'aquarelle, c'est que ça fait ressortir aussi beaucoup cette espèce de paradoxe par rapport à la douceur du médium, mais la gravité aussi de la situation, du moins de la situation que tu nous mets en scène ici. Ouais. Il y a ça, je trouve, qui est très, très beau dans l'ouverture que ça donne aussi. Oui, ben merci Audrey, parce que c'est effectivement une pensée que j'avais aussi, c'est de jouer entre le contraste de la perception que les gens ont de l'aquarelle, même... Je dirais, en art contemporain, l'aquarelle, c'est pas un médium tellement imprimé non plus. Mm-hmm. On associe ça plus à une détente de nos tantes qui, à la retraite, décident je vais faire de l'aquarelle. Et puis moi, ben, je me disais, je vais essayer de dématantiser l'aquarelle, qui est devenue une expression que j'ai peut-être inventée, je sais pas si ça existe. mais on comprend. On comprend. Puis c'est effectivement entre la douceur du médium, la perception qu'on a de ce médium-là, versus la gravité des sujets, mais je trouvais que ça faisait un clash intéressant. Et peut-être juste pour terminer sur cette série d'œuvres-là, tu l'as appelé ça les cycles d'essorage. Bon, j'imagine il y a tout un des petits clins d'œil. On parle de cycle, on parle d'essorage. À la fois, on peut prendre les deux ensemble, mais il y a aussi un rapport singulier entre l'un et l'autre par rapport à ton sujet de l'Anthropocène, je pense. Oui, ben le titre a été déniché dans une suite de trouvailles, d'échanges aussi. C'est Philippe Papineau qui est journaliste au Devoir qui me fait allumer sur sa blonde, sa femme qui est aussi journaliste au Devoir, mm-hmm. qui a fait un article sur les manèges. Puis en lisant cet article-là sur la fin des manèges qui étaient donc à la retraite, et puis il y a une dame de Beauce Carnaval qui a employé l'expression « vélocité d'essorage » pour parler de l'efficacité des manèges qui essayaient de préserver. Mm-hmm. Et puis moi, je trouvais ça intéressant, donc l'idée de la vélocité d'essorage, donc la vitesse d'essorage, puis l'idée de l'essorage avec le manège que moi j'avais déjà mis en scène dans mes tableaux. Mes tableaux étaient déjà en construction, étaient déjà faits, mais j'avais pas le titre. Tous les tableaux s'appellent Anthropocène, mm-hmm. 1, 2, 3, etc. Mais le titre de l'exposition, je ne l'avais pas encore trouvé. Quand j'ai vu l'idée de l'essorage et donc la vélocité de la vitesse, j'ai pensé au cycle aussi qui référait à l'Anthropocène. Puis l'essorage, c'est purger aussi, on purge les choses. Donc c'est tout ça, c'est lié. Et puis c'est devenu une expression typique d'un manuel de laveuse sécheuse, finalement, que je me suis approprié comme titre. Oui. Ben, en tout cas, souvent, les titres sont de magnifiques, sont toujours très, très, comment dire, très liés et très intéressants par rapport à tes séries que tu fais aussi. Là, enfin, il y a toujours un beau clin d'œil. Voilà, c'est ce que je cherchais à faire. Merci, j'aime beaucoup ça, trouver des titres. Oui, ben, je pense que c'est pas le cas de tous les artistes, en tout cas. Alors, je voulais aussi, avant qu'on se laisse parler rapidement, tu l'as évoqué, tu as réalisé plusieurs pochettes de disques aussi d'artistes musicaux. On le sait, Fred Fortin, je pense que tu as fait toutes ces pochettes de disques, oui. Aussi avec Gros Méné, Galaxy 500, Tire le Coyote récemment, tu l'évoquais. Mm-hmm. J'étais curieuse de savoir comment sont nées ces collaborations-là avec les artistes. Ben, tout part de nos origines du lac Saint-Jean. Fred, c'est un ami d'enfance, donc tout le monde s'est en allé à Montréal, puis tout le monde a commencé à faire ses projets respectifs, donc en art visuel ou en musique, puis ben Fred étant peut-être un peu paresseux, il m'a appelé rapidement. Mais là, on parle de On parle de presque 30 ans en arrière, là. Non, pas 30, 20. Oui, 20. Je veux pas me vieillir quand même. Et puis, suite à ça, on a renouvelé l'expérience. Puis ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens dans le milieu de la musique. Moi, avant de gagner ma vie comme peintre, je gagnais ma vie comme j'ai commencé à faire des pochettes de disques qui éventuellement m'ont amené à faire des photographies pour leur presse à eux, qui éventuellement m'ont amené à faire des vidéoclips, à réaliser des vidéoclips qui m'ont fait apprendre le métier de cinéma. Et puis j'ai continué comme ça à travailler sans trop chercher. Mais je me considère privilégié d'avoir des gens comme Tire le Coyote ou Galaxy ou Fred qui viennent me voir pour me demander de faire leur pochette. Puis j'essaie à chaque fois de créer une signature aussi différente. Là. Mm-hmm. Donc ça me force à aller dans des zones que je ne suis pas vraiment habitué de faire. Puis comme le dernier Galaxy, je l'ai fait de manière expérimentale. Puis ça a assez reflété dans mes tableaux par la suite. C'est super intéressant. Finalement, je me permets de laisser les choses se contaminer entre elles aussi. Puis ça, dans le fond, c'est tu leur soumets quelque chose, eux te laissent, dans le fond, totale liberté ou tu t'inspires de la musique? Comment ça fonctionne, au juste? Je m'inspire toujours de la musique, mais on a développé une attitude différente avec chacun, si on parle de ces trois artistes-là. Avec Fred, on pige dans mes tableaux. Toujours. Depuis longtemps, on fait ça. Il fait un album aux 4-5 ans. Fait que il y a en masse de tableaux qui sont là. Puis on pige. Fait que ça devient comme une conversation vraiment pure. Parce que on fait pas de nouvelles œuvres pour sa pochette. Avec Gros Menet, qui est un projet de Fred aussi, là, on invente de quoi de complètement décalé, tout à fait. Avec Galaxy, même chose. Puis là, j'essaie de faire en sorte que la pochette de Galaxy ressemble pas à celle de Gros Menet, oui, etc. Puis bon, là, récemment, avec Tire le Coyote, ben là, j'ai fait des pochettes, j'ai fait quand même 4 pochettes que je fais pour Tire le Coyote, puis les autres on les avait fait avec la photo qui était très différent, ce qui était très différent de ce qu'on a fait récemment. Puis je voulais, comme bon, en faisant de l'aquarelle, tout ça, c'est devenu une espèce d'image qui est complètement différente des autres. Mais bon, ceux qui suivent mon travail vont voir, ils vont trouver finalement assez facilement les ressemblances. Exact. Et aussi, un petit mot sur les courts-métrages. Aussi, tu en as réalisé quelques-uns dernièrement, en fin de semaine, qui ont été Bonfire, qui a été présenté à Regard, je pense, du côté... À Saguenay. À Saguenay, c'est ça. Donc, il y a ça, c'est sur toute une série sur les murs de séparation. C'est ça que tu as fait, Bonfire 99 murs, mais il y en a un aussi qui est en cours sur lequel tu bosses en ce moment, là. Donc, ouais. Sur quelle frontière, au juste, cette fois-ci? Ben, ce projet-là, c'est un projet d'une série de courts-métrages qui va se rassembler dans un webdoc. Puis on a tourné en Palestine-Israël, on a tourné en Irlande du Nord. Un de ces films-là a été présenté effectivement à Regard en fin de semaine. Et puis récemment, on a tourné à la frontière mexicaine et des États-Unis. Mm-hmm. On est allé tourner au Texas. Et puis là, il me reste 2 courts-métrages à monter sur cette expérience-là. Et puis tout ça va être rassemblé. Il va y avoir 6 courts-métrages en tout qui vont être rassemblés sur un site web original créé pour l'occasion, augmenté de contenu par la chaire Raoul Dandurand qui est en géopolitique. C'est un projet multidisciplinaire. Il va y avoir mes tableaux aussi là-dessus que j'ai fait sur les mêmes thématiques. Puis c'est intéressant, moi, je trouve ce travail-là avec la chaire Raoul Dandurand aussi, qui je ne sais pas si c'est assez commun, là, ou enfin, ça ne doit pas être le cas pour toutes les chaires, mais de travailler avec des artistes aussi comme ça, je trouve ça très, très stimulant et enrichissant aussi pour autant pour ces chercheurs-là, mais aussi pour les artistes en même temps. Toi, ça te donne, j'imagine, tout un bagage aussi théorique qui est très stimulant. Là. Vraiment, parce que moi, dans le fond, en les approchant, c'est moi qui les ai approchés. Moi, je voulais travailler sur ce sujet-là. Puis comme eux autres, ils ont un département, une chaire spécialisée sur les murs de séparation, je me disais, ils ont une expertise incroyable, théoriquement parlant. Et puis moi, je voulais les approcher. Puis j'ai dit, moi, je veux faire des films, puis je veux travailler au même niveau que vous. C'est ce que je leur ai dit en partant. Je veux savoir c'est quoi les problématiques que vous relevez. Puis moi, je veux travailler avec vous sur ces mêmes problématiques-là, et puis, mais les apporter, les amener, les faire se développer de manière artistique, de manière conceptuelle et de manière documentaire. Et même avec une certaine approche journalistique. Eh bien, on va découvrir tout ça prochainement, je pense, Bonfire et même peut-être même Visible, j'avais cru voir, sur la Fabrique culturelle. Bonfire, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur la Fabrique culturelle qui, je ne sais pas si c'est vraiment le Saguenay qui héberge ça, mais j'ai vu que Regard a un partenariat avec la Fabrique culturelle pour les 10 jours suivant le Festival Regard. Ils ont fait une sélection des films. La programmatrice, Mélissa Bouchard, a sélectionné quelques films, en fait, qu'elle voulait que les gens voient à travers ce canal-là. Super. Eh bien, Martin, on va aller découvrir cette nouvelle série, Les Cycles de Sorage, à la Galerie 3. C'est jusqu'au 1er avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi. Alors, on s'en va en pause audio et je vous reviens avec l'agenda de la semaine. Et voilà, c'est bien maintenant le temps de conclure cette émission, mais je ne vous quitte pas sans vous avoir fait un peu mention des événements à ne pas rater cette semaine. Donc, depuis hier, il est possible de découvrir le travail de Marie-Pierre Saint-Georges à Espace Parenthèse, un projet intitulé « La clémence du son ». Le vernissage aura lieu le 22 mars, donc à 17h30. Alors, allez voir ça, on aura plus de détails au cours des prochains jours, justement. Sinon, ce mercredi, c'est le début de l'exposition « Dans les traces de Dumouchel, 70 artistes, 70 estampes » à la maison Amel Bruno. Faut rappeler que Albert Dumouchel est une figure clé de l'éclosion de la modernité artistique dans les années 40 et 50 et on le considère comme le père fondateur de l'estampe au Québec, donc qui a formé toute une génération d'artistes et contribué à l'émergence de la gravure. Alors, c'est à découvrir parce que c'est le 100e anniversaire de la naissance de ce grand maître. Donc, on va pouvoir découvrir ça. Donc, 70 artistes qui montrent toute la vitalité de la gravure actuelle. Donc, vraiment une très belle exposition qu'on aura certainement le plaisir de couvrir ici un peu plus tard à l'émission. Simplement vous dire que vous découvrirez des gravures de Louis-Pierre Bourgis, René Derouin, Marc Séguin, Francine Simonin et François Vincent, pour n'en nommer que quelques-uns. Sinon, vendredi, samedi et dimanche, dans le cadre du Mars de la maîtrise, c'est les ateliers ouverts des artistes. Donc, qu'est-ce que c'est le Mars de la maîtrise? Bien, c'est les étudiants à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval qui concoctent des activités pour vous. Et dans le fond, on va pouvoir aller dans leurs ateliers, donc pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de créer, jaser avec eux un petit peu aussi. Donc, c'est vraiment l'occasion idéale pour découvrir la relève artistique de Québec. Donc, plusieurs artistes à découvrir là. C'est aux ateliers du roulement à billes au 334 rue Sainte-Hélène. Et bien sûr, c'est gratuit. On rappelle que samedi, c'est la première nuit de l'année, donc la nuit du MNBAQ, sous le thème monochrome dont on vous a parlé un petit peu plus tôt. Billets en vente au coût de 20 $ et c'est de 22h à 3h du matin. Sinon, c'est la dernière semaine pour voir, et ce jusqu'à dimanche, Rakupunk de Jean-François Bourlard et Valérie Blaise à Materia, A Suitable Den de Graham Patterson à la Galerie des Arts Visuels, Terre Tourmente d'Elvine Boulevard à Engram, Quelques motifs de synthèse de Julien Boilly et Rose Piscine de Manifam Diaye à L'Œil de Poisson et Missaire de Léna Mille-Royard à la bande vidéo. Donc, si vous faites un petit tour là, côté Méduse et Materia, vous allez être servi en fin de semaine.